Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. D'abord, quelques infos. Les éditions Malpertuis lancent un appel à texte pour une anthologie fantastique thématique à paraître au deuxième trimestre 2011. Le thème de l'anthologie est « Muséum ». Palais de la science, institution culturelle, mais aussi lieu de rêverie, le muséum est un endroit riche d'une indéniable et complexe poésie. De nombreuses présences s'y côtoient, brillants chercheurs et obscurs employés, visiteurs parfois studieux et parfois beaucoup moins, à la recherche d'une information, d'un sujet de croquis, voire d'un lieu de rendez-vous discret. Sans oublier ces véritables stars qui toisent la foule du haut de leur piédestal, ou du fond de leur vitrine, qu'elles soient récentes ou antédiluviennes, animaux, végétaux ou minéraux, ou bien encore objets manufacturés. Quel mystère tous ces cabinets et ces tiroirs de bois vernis peuvent-ils bien receler? La date limite de remise est fixée au 15 février 2011. Les soumissions et les demandes d'informations sont à adresser par e-mail à l'anthologiste Christophe Till à museum@ed-malpertuis.com. Pour tout détail, voir www.ed-malpertuis.com. Jeanne A. Debat, dont personne n'a oublié le superbe La vieille Anglaise et les continents, vient de sortir chez Syros un nouveau roman intitulé La Ballade de Trash. Il s'agit d'un roman jeunesse dans la grande tradition onlénienne. Le titre est à double sens, car il s'agit à la fois de la geste de l'héroïne, Trash, mais aussi d'un parcours physique dans un Paris et ses banlieues d'un début de 22e siècle ravagé par les désastres écologiques et les maladies, où ne survivent que des privilégiés et leurs employés dans des cités de haute technologie sous bulles protectrices et des gangs à l'extérieur. Trash étant le chef charismatique de l'un d'eux, les Tramps. Suite à la convocation de tous les gangs pour une réunion au parc Montsouris, les Tramps découvriront à la fois les réalités cachées d'un système totalitaire et leurs propres forces intérieures. La date limite de réception des textes pour le premier casting des Nouvelles Plumes est reportée au 31 décembre 2010. Le premier casting des Nouvelles Plumes est organisé par les productions éditoriales 9 mois et 6 ans. Il s'agit d'un concours, en fait, où les meilleurs récits seront sélectionnés par un jury de lecteurs. Tous les détails à www.joseph-messenger.com/casting.php. Aujourd'hui, Gabriel Jean va commencer à décortiquer pour nous l'imposante saga Star Wars. Quels sont les romans qui valent d'être lus? Gabriel nous le dira. Alors bonjour, mon nom est Gabriel Jean et je vous parle aujourd'hui au sujet de la trilogie Star Wars, en fait La Guerre des Étoiles. Christian m'a demandé de parler un petit peu des livres qui sont autour de cette saga cinématographique. On s'entend qu'il y en a énormément qui ont été publiés au cours des années. Il y a toute une histoire autour de ces livres-là, en fait. On est passé d'une... je vous dirais, il y a peut-être 3 livres qui étaient sortis au départ qui avaient intéressé les fans tellement qu'on en a demandé d'autres. Alors, plusieurs auteurs, faisant un petit peu qu'est-ce qu'ils voulaient chacun dans leur coin, ont publié plusieurs livres dans les premières années de ces publications-là, ce qui fait que c'est assez décousu au départ. Heureusement, il y a une équipe maintenant qui s'occupe de continuer cette saga-là de forme romanesque. Donc, ils ont plus ou moins rétabli une chronologie qui se suit bien. Heureusement, certains de mes livres préférés sont encore considérés comme étant importants à cette chronologie-là. Les livres qui ont été retirés sont généralement des livres qui n'ont pas beaucoup d'impact sur l'ensemble de l'histoire ou qui sont bon, disons, moins bons. Donc, ceux-là, j'en parlerai pas trop. Pour commencer, en fait, je vais partir avec les premiers livres qui m'ont intéressé de ce côté-là, c'est-à-dire la première trilogie qui se veut une suite des films, qui a été écrite en totalité par Timothy Zahn. Alors, on parle ici des livres « L'héritier de l'Empire »,« La bataille des Jedi » et « L'ultime commandement ». Ces livres-là, d'après ce que je sais, sont encore disponibles sous Fleuve Noir. La dernière édition date de 1999, mais bon, je ne sais plus trop, je les ai en anglais malheureusement. Donc, je ne me suis pas tenu au courant des publications en français. Ces trois livres-là, ce qui est important de noter, c'est que ce sont les trois premiers livres qui ont officiellement été permis par Lucasfilm et George Lucas. Donc, ces trois livres-là sont vraiment la suite officielle. C'est de là que tout parle pour ce qui est d'une suite éventuelle. C'est certain qu'en cours de route, il y a d'autres histoires qui sont rajoutées entre ces livres-là et l'épisode 6. Mais bon, c'est généralement des histoires qui sont contenues en elles-mêmes. Je vais peut-être en toucher quelques-unes en cours de route, là. Mais pour commencer, je vais parler de ces trois-là. Alors, on se retrouve avec l'Alliance Galactique qui est en train de reprendre le contrôle de la galaxie suite à leur victoire. On a un Luke Skywalker qui est plus ou moins à la recherche de qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, vu que, bon, son destin en tant que chevalier Jedi est plus ou moins rempli. En tout cas, le premier destin qu'on lui avait donné. Il perd le contact avec le fantôme d'Obi-Wan Kenobi, donc maintenant il est vraiment seul et il doit retrouver tout ce qui a été perdu du savoir des Jedi. C'est l'objectif qu'il se donne. Bon, en cours de route, il va rencontrer un autre Jedi, en tout cas quelqu'un qui prétend être un Jedi, qui est en fait un clone d'un très très très vieux Jedi dont l'histoire a été expliquée un petit peu dans un roman qui est sorti il y a quelques années. J'y reviendrai là-dessus. Là. Ça se passe bien avant tous les premiers films qui ont été faits. En tout cas, on saute un petit peu du coq à l'âne, mais c'est pas mal comme ça qu'il faut lire les séries de Star Wars. Vous pouvez essayer de lire ça chronologiquement, mais c'est mieux de tout simplement prendre un bon livre, commencer là, puis après ça, aller lire un autre petit coin de la galaxie, puis revenir. Faut sauter d'un point à l'autre tout le temps. Alors, revenons au sujet là-dessus. Une fois que Luke a retrouvé le maître Jedi, en tout cas, bon, il veut devenir un petit peu son apprenti, sauf qu'il se rend compte que c'est pas une personne qui est tout à fait là mentalement. En fait, c'est un clone fou d'un maître Jedi, et puis bon, ce qui se passe finalement, c'est qu'il se retrouve à pas vraiment trouver ce qu'il voulait là-dedans, sauf que ça lui permet de rencontrer la femme qui va éventuellement devenir son épouse après plusieurs décennies de péripéties séparées. Le personnage de Mara Jade. Donc, ce personnage-là est introduit dans ces trois livres-là et probablement dans l'univers agrandi de Star Wars, c'est le personnage le plus populaire qui a existé. Je veux dire, c'est un personnage qui est toujours dans la zone grise, c'est-à-dire elle n'a jamais été un Jedi sombre ou un Jedi, ben, en tout cas, du bon côté de la Force. Mais elle a été toujours un genre d'espion, un assassin, sans jamais vraiment basculer du côté obscur parce qu'elle n'a vraiment pas eu... Elle n'a pas été éduquée de ce côté-là. Donc, je vous dirais, c'est un personnage absolument à découvrir. Je ne veux pas en dire trop dessus parce que c'est un personnage qui revient quand même assez souvent. Puis je vais avoir la chance d'en parler encore. Donc, dans ces trois livres-là, elle est introduite pour la première fois. On comprend que malgré qu'elle s'entend bien avec Luke rendu à la fin, au départ, son but, c'est de le tuer. Alors, au cours des trois livres, elle se rend compte que finalement, la motivation qu'elle a pour le tuer, c'est pas vraiment sa motivation, c'est un ancien ordre qui est resté dans son esprit que l'empereur lui avait donné au moment de sa mort. Alors, c'est quand même intéressant de voir comment leur relation évolue. Et plus tard, je vais parler aussi des livres où est-ce que l'auteur a décidé de les rapprocher ensemble. Bien entendu, en cours de route, Luke a eu d'autres flirts, parce que chaque auteur semblait essayer de lui trouver une compagne. mais bon, on s'entend très bien que ces trois livres-là sont vraiment la colonne vertébrale de ce qui est devenu l'univers agrandi de Star Wars. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a là-dedans, c'est à la base de tout. Les autres personnages qui sont visités dans ça, eh bien, on apprend que Han Solo et la princesse Leia sont mariés et attendent leurs deux premiers enfants, les jumeaux Jaina et Jason, qui naissent à la fin du troisième volume. Ces deux personnages-là, je vous dirais que c'est présentement les vedettes de l'univers étendu. Il y a plusieurs livres au cours de cet univers-là qui racontent leurs aventures, leur enfance, comment ils ont grandi. On va revenir sur ces personnages-là, c'est certain. J'aurai pas le choix. Ils sont vraiment des personnages pivots et des clés de qu'est-ce qui se passe présentement dans Star Wars. Bon, les autres personnages qui sont là sont relativement secondaires. On nous présente Talon Card, qui est un genre de Han Solo, mais qui a pas. Bon, il est resté dans le côté, mettons, sale de l'univers au lieu de se ranger du côté de l'Alliance qui est devenu le vrai gouvernement. Donc, lui, il est encore dans l'illégalité. Puis, c'est intéressant de voir le fait que, bon, il va aider les gentils malgré le fait que lui n'en est pas un parce qu'il est techniquement du mauvais côté. Sauf que, bon, il est toujours contre le gouvernement parce que ses activités sont criminelles à la base. Sauf que pendant bien des années, il a aidé l'Alliance rebelle. Donc, pour lui, c'est un peu difficile de choisir le camp dans lequel il est. C'est intéressant de voir comment ce personnage se développe. Malheureusement, il est tombé un petit peu dans l'oubli au cours des dernières années. Mais bon, dans cette série-là, il est vraiment important et c'est vraiment un personnage à découvrir. Le côté, je vous dirais, l'opposition des héros dans ces trois livres-là, c'est le restant de l'Empire, qui se trouve à être en fait une petite armada de vaisseaux réduite à rien. Sauf qu'ils sont sous la gouverne d'un grand amiral nommé Thrawn, qui est probablement le plus grand génie tacticien que l'Empire avait. Et bon, disons que à lui seul, il réussit à remettre l'Empire sur pied et à passer d'une guerre défensive à une guerre offensive. Il passe proche de reprendre le contrôle de la galaxie et de remettre l'Empire comme étant le gouvernement officiel. Bon, c'est sûr que ça fonctionne pas rendu dans le troisième, parce que ce serait pas intéressant si ce serait le cas. Mais c'est un personnage qui est extrêmement important parce que malgré qu'il soit seulement présenté dans ces trois livres-là, on le retrouve après ça mentionné dans plusieurs autres livres, généralement tous autour des travaux de l'auteur de Timothy Zahn. Mais il a été mentionné dans plusieurs autres et puis ce que ce personnage-là a apporté à la mythologie de Star Wars se continue présentement dans les livres qui sont publiés de nos jours, c'est-à-dire la race de laquelle il vient est maintenant devenue une race très importante dans l'univers de Star Wars. Alors c'est ça, les trois livres sont L'héritier de l'Empire, La bataille des Jedi et L'ultime commandement. Les résumés en tant que tels, je vous dirais, c'est pas la place ici. Ça serait plus de vous inciter à aller les lire, car c'est vraiment les trois livres qui sont encore, selon moi, les plus intéressants de toute la série. Probablement parce que c'était les premiers, puis ils ont réouvert la magie en moi de Star Wars quand j'ai commencé à les lire il y a au moins une dizaine d'années de ça. Mais bon, ça en demeure que c'est quand même des livres extrêmement bien écrits. En fait, ils sont tellement bien écrits que des fois, en les lisant, on a l'impression d'entendre la musique qui accompagne les films normalement, donc ça donne vraiment une bonne impression. Ça aurait été intéressant de voir ça en film, mais c'était pas le but, c'était vraiment seulement de faire des livres, et puis c'est correct comme ça. Alors moi, je vous les recommande. Sur une note de 10, je donne facilement un 9 à ces trois livres-là, un 9 chacun, parce que c'est vraiment bien écrit, les personnages sont conformes à ce qu'on s'attend, ils vont pas dans des directions imprévues. Il y a de l'humour, il y a de la bataille, il y a tout ce qu'on attend de Star Wars. Alors, je vous souhaite une bonne lecture de ce côté. Et la prochaine fois, je vais commencer à parler de. Bon, on va commencer avec Jason et Jaina en parlant des jeunes Jedi. Au revoir! Merci Gabriel. Vous pouvez le contacter via son site internet à www.adaptationgj.net. Merci de votre attention. À bientôt.